Onzième chapitre. Les sauveteurs bretons. L'année dernière, j'ai vécu au milieu de rudes pêcheurs de la presqu'île de Pinmar, de ce petit peuple bigoudin prolifique comme les sardines, afin de réparer les pertes causées par les naufrages et les accidents. Ce pays garde le souvenir d'une tempête au XVIIIe siècle qui coula plusieurs centaines de barques et noya 2000 hommes. Mais la vie est près de la mort chez ces Bretons. Qu'importe, avec ces familles tenaces de 4 et 5 enfants qui font doubler la population en 40 ans. Suivant le mot sauvage d'un matelot, « Bah, la garce peut bien m'avaler, il reste de la graine à terre !» En face d'un ennemi qui ne désarme jamais et leur prend à coup sûr chaque mois quelques camarades, ces marins vivent dans un état normal d'héroïsme. Aussi les étonnerait-on beaucoup en les félicitant de leur bravoure. Le comité parisien de l'admirable Société centrale de sauvetage administrée par monsieur le lieutenant de vaisseau Duboc n'ignore rien de la mentalité, tout à la fois valeureuse et naïve, des équipages sauveteurs. Je voudrais vous citer une scène étonnante qui m'a révélé le dévouement chronique, si l'on peut s'exprimer ainsi, de ces marins les uns pour les autres. À Douarnenez, je connaissais deux sardiniers, S et J, assez ivrognes et mortels ennemis. On affirmait qu'ils n'hésitaient pas à l'occasion à se battre au couteau. Un samedi soir, tandis que je musais sur le môle, j'aperçus ces adversaires debout sur les bancs de leurs embarcations. Ils les nettoyaient lorsqu'une glissade fit choir J dans la mer. Empêtré dans ses vêtements de Malakoff, il avait coulé. Aussitôt S se dépouille, se jette à l'eau, nage vers le disparu, plonge, le ramène à son bord et le frictionne rageusement presque à coups de poing. Enfin, le noyé reprend sa respiration et peut remercier son compagnon. Celui-ci, méprisant, refuse de lui répondre. Alors, furieux, le sauvé s'écrie « Sale marsouin, tu m'en as tiré, je ne suis pas plus lâche que toi. La prochaine fois que tu te flanques à la mer, je te sors par la peau du cou. » Le sauveteur, hautain, regagne à son bord les épaules remontées jusqu'aux oreilles. Ainsi, toute haine cesse devant le danger, et ces pêcheurs savent pratiquer une solidarité parfois réellement héroïque. En voici un exemple. Par gros temps, le détestable port de Saint-Guénolé est fermé par une barre d'eau presque infranchissable. Lorsqu'une barque chavire, elle est presque toujours jetée sur les brisants avec ses hommes, condamnés à une mort certaine. Il y a 2 ans, un grain subit, d'une violence extraordinaire, fit accourir les barques vers le port, mais la barre d'eau pouvait rouler les bateaux sardiniers. Le patron de la première embarcation qui se présenta au danger, dans un coup de bravoure, tenta le sort et passa dans une trombe d'écume. Ils étaient sauvés. Mais une clameur d'épouvante s'éleva. L'équipage qui suivait avait chaviré, et 7 hommes, soutenus aux avirons et aux filets, allaient être broyés sur les récifs. « Pas de ça !» dit laconiquement le patron arrivé en eau calme. Il vira de bord, s'élança une seconde fois à travers la barre, recueillit les naufragés et puis s'en alla vers le large, danser à la pointe des vagues, en attendant l'accalmie. Parmi de tels hommes surgit cependant, de toute la hauteur d'un dévouement de 35 années, un sauveteur de proportions épiques, le célèbre Offret que le gouvernement décora de la Légion d'honneur. Louis Offret est mort l'an dernier d'une pneumonie contractée pendant une nuit de sauvetage. Dans la presqu'île de Pinmar, Offret est surnommé Tonton Louis, et la familiarité de cette appellation prouve la popularité de ce marin devenu comme l'ancêtre de cette grande famille de 3000 inscrits maritimes. J'ai vécu plusieurs semaines dans l'intimité d'Offret et j'ai étudié chez ce navigateur le meilleur de sa race, le mécanisme de l'héroïsme et sa force souveraine dans un cœur attaché à une charpente de lion, car ici, la vigueur physique est inséparable de la puissance morale. Ma première rencontre avec Tonton Louis m'étonna. Lorsque je vis s'avancer ce pêcheur de 60 ans, de stature moyenne, au visage rappelant celui du grand-père à la verrue de Guirlandajo au musée du Louvre, je cherchais dans ce nez aux épaisses narines, dans les paupières lourdes et les yeux cendrés, les traits décisifs révélant le héros. Or, rien dans ce visage ecclésiastique horrible, maligne, rien dans la voix réfléchie et lente, rien dans les gestes mesurés, ne pouvait me faire deviner l'autre homme, celui qui se révélait dans les tempêtes. Un béret coiffait tonton Louis, une veste de chauffeur le protégeait du froid, et ses pieds étaient chaussés d'étonnantes chaussures, tressées en paille et doublées avec de la peau de lapin. Rien de plus paisible dans l'apparence que le patron de Maman Poidenot, l'une des barques de sauvetage les plus glorieuses de France. Comme le vent rageait sur le littoral et que les vagues commençaient à moutonner, Offrette s'avança vers moi jusqu'au bout de la jetée, et sa douce figure, tournée vers le large, semblait vouloir pacifier la mer par l'exemple de sa sagesse. Ensuite, il m'emmena dans son hospitalière maison qui accueillit tant de naufragés, qui ressuscita tant de noyés, qui entendit tant de cris épouvantés de mères et de femmes, car les nuits de naufrage, le logis d'Offrette devient le quartier général de la résistance aux forces détestables de la mer. Madame Offrette me reçoit dans sa demeure claire et nette comme une cabine de yacht. C'est une Bretonne encore belle et énergique qui sut seconder son mari, soigner les sauvés et se jeter à mi-corps dans la mer par les nuits glacées afin d'aider au lancement du canot. « Lorsque le canon tonnait au sémaphore, me dit Madame Offrette, lorsque la sirène mugissait dans les nuits noires, lorsque j'entendais les sanglots des femmes appelant au secours sous mes fenêtres, je criais à tonton Louis, « Va !»« Tonnerre de Dieu !» s'exclame soudain le sauveteur d'une voix de cuivre, en arrachant son béret et en découvrant une crinière léonine sur un front rayé de rides mouvantes comme un flot. « Tu n'avais pas besoin de me dire cela, ma femme. C'est plus fort que moi. Il faut que j'aille ou je crèverai de rage ici. » Mais depuis quelques années, tonton Louis souffre d'une pneumonie qu'il a gagnée à demeurer des nuits de naufrage en chemise et caleçon trempés. Alors, quelquefois, ces derniers temps, je lui disais « Reste, tu as la fièvre, tu en mourras. » Mais lui se dressait hors du lit et me criait « Tais-toi, tu n'as donc pas de cœur. » Et il partait sans seulement se vêtir. « Comme de juste !» ponctue Offrette en donnant un coup de poing sur sa table. Et voici que l'autre homme m'apparaît. Non, ce n'est plus le grand-père de Ghirlandajo. C'est un loup de mer à caboche celtique, à la tignasse rêche, au cou énorme, veineux, palpitant, attaché à des épaules redoutables. La vigueur qui dormait au fond du corps reposé de ce breton transparaît maintenant, gonfle ses muscles, injecte les joues, fait briller les yeux, énerve ses mains carrées qui crochèrent tant de fois dans la peau des naufragés, éteindre la barre par des ouragans dont les terriens ne peuvent concevoir l'horreur. En décembre dernier, aux côtés d'Offrette, j'ai assisté à un grain qui soulevait des vagues de 10 mètres venant charger ce littoral redoutable et mon compagnon, approuvé par les canotiers du bateau de sauvetage, disait « Pas vrai, nous sommes sortis par d'autres temps que celui-là. Dame, quelquefois nous tournions quilles en l'air, les bonhommes attachés par le corps à leur banc buvaient une goutte, et puis quoi? Les canots de sauvetage, ça se vide automatiquement, les bonhommes aussi. » L'on nageait ensuite rafraîchi de la sueur qu'on avait gagnée à ramer vers les naufragés. Comment l'idée de consacrer sa vie à l'œuvre du sauvetage était-elle venue à ce marin? Nous étions assis dans sa salle à manger blanche, aux meubles cirés, avec une fenêtre ouverte sur les récifs éclaboussés par l'éternel ressac, et tonton Louis me répondit « Ma foi, la pensée m'en est arrivée après avoir naufragé moi-même. Je perdis mon premier bateau qui s'aplatit comme un porte-monnaie vide à l'anse de la torche. Autour de moi, je voyais s'enfoncer en hurlant de terreur des camarades qui s'étaient accrochés au liège des filets ou à des planches et, rentré chez moi, je me dis qu'il serait joliment commode d'être secouru par un canot sauveteur. J'avais déjà sauvé un certain nombre de matelots, soit de mon bord, soit en me jetant à la mer, mais ceci ne comptait guère. Mes meilleures actions datent seulement de 1889, époque à laquelle la Société Centrale de Paris offrit à Saint-Guénolé la Maman Poidenot et que les 24 canotiers m'eurent nommé leur chef. Bientôt nous étreignions notre belle embarcation en secourant un vapeur qui s'en allait à la dérive. L'année suivante, nous eûmes moins de chance. Après avoir lutté pendant des heures, au point que le sang nous giclait des mains par les gerçures, nous ne sauvâmes qu'un équipage de morts. les paquets de mer les avaient tués ou noyés à leur bord. Une nuit, c'était en février, à 11 heures du soir, j'allais me coucher, épuisé par une pêche au maquereau, lorsqu'à travers l'aboiement du vent, j'entendis frapper à ma porte et une voix criait « Ouvrez vite, Louis, mes frères sont en train de se noyer à l'entrée du port. Moi, j'ai pu gagner la côte à la nage. » « Nous ouvrons la fenêtre, continue Madame Offrette. Nous regardons et nous disons « Hé l'ami, pourquoi vous tenez-vous à quatre pattes ?» Hélas, le pauvre malheureux, en luttant contre les récifs, s'était emporté les ongles des pieds et des mains et, afin de moins souffrir et de n'être pas culbuté par les rafales, il rampait sur les genoux et les coudes. Je le mis au lit, tandis que tonton Louis courait dans Saint Guénolé. « Misère !» reprend Offrette. « Les pêcheurs étant absents, je ne trouve qu'un homme dans une friterie de sardines. C'était un marin de l'État en congé. Je l'arrache de sa chambre, presque nu, et je l'entraîne vers un canot à sec vers la grève. Comment ai-je pu le mettre à flot? Il a fallu que j'aie à cette heure la force d'un géant. Enfin, nous voguons. Il n'y avait pas d'aviron, remarque Madame Offrette. « Si, il y en avait deux. Comment aurions-nous nagé ?» clame tonton Louis en frappant du plat de la main son buffet. Il faisait un temps bouché, mais des appels nous aidèrent à trouver la bonne direction. Puis les cris cessèrent. Nous trouvâmes un naufragé évanoui sur un filet à maquereau. Je croche dedans, je tire. Il était d'un lourd. Je le croyais seul et j'amène avec lui son jeune frère de 12 ans qu'il tenait embrassé sous les aisselles parce que jusqu'au bout, il avait voulu le sauver. Tonnerre de Dieu! Le pauvre Mousse était mort, termine Offrette, et ses yeux se remplissent de larmes qu'il tamponne avec son mouchoir à carreaux. Jusqu'au soir, tonton Louis me fit accomplir un voyage aventureux à travers l'héroïsme, et tantôt lui et ses canotiers passaient avec une vague immense par-dessus le pont d'un grand navire coulé pour recueillir l'équipage blotti comme des mouettes sur les vergues, et tantôt ils se jetaient à la nage et s'enfonçaient afin de disputer à l'océan des victimes qu'il avait déjà digérées, et tantôt, après 10 heures de bataille, quand les sauveteurs submergés à chaque minute allaient devenir eux-mêmes des naufragés, Offrette, debout contre le caisson arrière, leur hurlait « Hardi, mes enfants, mettez toutes vos forces dehors !» Et lorsqu'on rentrait au port avec les marins sauvés, ceux-ci reconnaissant offraient un verre d'eau-de-vie à l'auberge, puis l'on se séparait. On avait rendu service comme de juste, termine tonton Louis. Tandis que j'enquêtais sur ces sauveteurs, à P.G., un photographe, charmant jeune homme, qu'Ibsen eût pu placer dans son canard sauvage, secrétaire du comité local, me dit avec un sourire en me désignant les canotiers de sa station « Il ne faut pas vous frapper, monsieur. Ces bonnes gens accomplissent un sauvetage comme je prends mon apéritif. »